Bilan. Activité 1. Page 30. Piste 19. Léo. Camille. Venez manger. On arrive, maman. Alors, qu'est-ce que tu veux, Léo? Pour moi, du pain avec du fromage. Et comme boisson? De l'eau, s'il te plaît. Camille, tu veux aussi du pain? Non, pas de pain pour moi. Je préfère une crêpe sucrée et un grand verre de lait.